L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. À l'affiche avec le festival Jazz au fil de l'Oise qui célèbre, je le disais en début d'émission, sa 21e édition cette année 2016. Ça se déroulera du 19 octobre au 11 décembre, j'allais dire presque partout dans le département. D'abord aux alentours de l'Oise et bien plus loin avec quelques escapades du côté d'Argenteuil. Ai-je lu Non, Beson. Beson. Bonjour Isabelle. Bonjour José. Isabelle Méchali, directrice du festival Jazz au fil de l'Oise. Donc peut-être quelques mots de, on va dire, de présentation de l'édition sans rentrer dans le détail de la programmation. Juste donc quel état d'esprit est proposé cette 21e édition de ce festival de jazz? Dans un esprit de développement du festival. Donc tu parlais là à l'instant du théâtre Paul-Éluard de Beson qu'on accueille cette année. Et que j'ai pu rencontrer la directrice grâce justement à Jean-Joël Le Saplin, à l'apostrophe, dans le cadre des réunions de partenariat. Donc c'est une chance puisqu'on pourra accueillir là-bas un orchestre de 19 musiciens, le Red Orchestra avec Thomas de Pourquerie, en partenariat avec ce théâtre. Mmh. Pour un festival, le principe, celui-ci tout particulièrement, c'est qu'il y a une présentation publique qui en est faite. Et cette année, ça se déroulera à nouveau à l'apostrophe, au Théâtre des Louvrées à Pontoise, samedi 15 octobre à 18h30. Oui. Alors, on prépare, j'imagine, tout particulièrement cette présentation. C'est pas simplement une présentation sous la forme d'un catalogue d'artistes. Non, c'est pas du tout fait, ouais. Donc ça se passe pour la quatrième fois effectivement à l'apostrophe. Alors je le répète, pour un partenariat d'excellence qui a donné une véritable visibilité à ce festival et donc une soirée qui se déroule en trois temps avec notamment un film qui retrace un petit peu les temps forts du festival au niveau musical et puis ensuite un artiste que l'on aime à faire découvrir au public et cette année on a choisi Lou Tavano. Lou Tavano qu'on vient d'entendre son tout juste album, ouais. Il y a quelques instants sur l'antenne de RGB. Premier album qui est sorti en mars 2016. Ouais. Un album d'ailleurs à l'image de la chanson qui en a été extraite, dense, lumineux, du jazz sans frontières. C'est aussi un peu l'état d'esprit de cette ouverture sans cesse répétée de Jazz au fil de l'Oise. Oui, c'est le propos du jazz, oui, bien sûr. Musique sans frontières, sans barrières, qui préfère construire des ponts, comme dit Trélok Gourtou, qui sera notamment également présent sur ce festival. Mais si on revient à Lou Tavano, effectivement, on va présenter donc cette jeune artiste, entourée de 5 autres musiciens, pour son premier album qui s'appelle For You. Donc effectivement, c'est une artiste qui a beaucoup d'influences personnelles, un chant assez lyrique, folk parfois, aussi influencé par la musique balinaise. Elle est entourée de très jeunes talents, elles sont tous des très jeunes musiciens, des beaux textes également, il n'y a pas uniquement des belles notes. Donc c'est une occasion rêvée, puisqu'il y a toujours énormément de monde à cette soirée, présentation. De présenter des jeunes talents, des talents émergents, effectivement. Lou Tavano, je ne connais pas la tiédeur ou la banalité, et la presse, ce n'a pas de mots suffisants, en particulier la presse féminine comme Femme Actuelle, le totalement sublime For You. Donc j'ai rien à ajouter. C'est à découvrir absolument, samedi 15 octobre, 18h30, à l'apostrophe Théâtre des Louvrées à Pontoise. Pour ce faire, l'entrée est libre, mais sur réservation, faut le préciser. Et surtout préciser que... On a un peu plus d'un millier d'appels, là, donc je pense pas que ce soit possible pour Jean-Joël tout de suite d'élargir les murs. Il y a un projet d'extension. Il y a un projet d'extension. Sur le parvis, enfin, c'est pas pour tout de suite. Non, là, c'est vraiment une soirée qui je plaisante. Qui retient beaucoup l'attention. Là. Très bien, le rendez-vous est noté. Mais ça, c'est l'ouverture du festival. C'est la présentation. Ouais. C'est la présentation, car néanmoins, on présente un superbe concert. Hein. Absolument. Avec, cependant, dans les temps forts, un week-end jazz qui va se dérouler justement à l'apostrophe, en deux temps, contrairement aux précédentes années où il était question d'une nuit du jazz. Oui, cette année, c'est un week-end jazz. Et on n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, j'ai absolument rien contre. Donc c'est un week-end qui va permettre de présenter justement la diversité de cette musique. C'est trois projets bien, bien différents et en même temps, c'est du jazz. Hein. Donc on va commencer avec Francesco Berzati, magnifique saxophoniste clarinettiste italien, qui est venu plusieurs fois déjà dans le festival. Hein. Il a beaucoup joué avec Aldo Romano, par exemple, ou Emmanuel Bex. Là, il vient dans son projet. This Machine Kills Fascist. Un projet en quartet, c'est un ça? Un projet en quartet. Donc, il y a énormément d'énergie et de lyrisme dans le jeu de ce saxophoniste qui a reçu de très nombreuses récompenses. Et la principale étant celle du public. C'est un virtuose, bien sûr, et qui a une technique assez spectaculaire. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de jubilatoire. Et côté musical, effectivement, c'est le jazz à la croisée des autres musiques, le rock, oui. Même la musique punk, oui. Ai-je lu, house et bop. Oui, parce que le jazz se nourrit se croise. De toutes les musiques, et notamment des musiques actuelles, bien sûr. On est bien dans le dialogue entre les genres et les esthétiques. Tout cela, Francesco Berzati. Originaire du Frioul, il se produira donc en quartet, une soirée qui sera en deux temps suivie d'Omer Avital. Voilà, Omer Avital, c'est un autre univers, c'est un contrebassiste, également un musicien très innovant, bien sûr, comme le sont la plupart des jazzmen ou women maintenant. Donc il a pas mal d'influences arabes, hispaniques, voire blues. Et il est installé à New York depuis une vingtaine d'années. Hein. C'est un musicien qui a des origines diverses, arabes, hispaniques et israéliennes. Donc ça a certainement bien sûr nourri sa musique et son talent de compositeur. Donc lui, c'est pareil, il a parcouru le monde du jazz auprès de très grands noms qui sonneront peut-être à l'oreille des gens comme Roy Haynes, par exemple, Brad Mehldau, Joshua Redman, etc. Donc, un panel très éclectique. Et il s'est affirmé comme ayant un réel talent de compositeur aussi, en plus du beau contrebassiste qu'il est. Hein. Il a une technique et une virtuosité à contrebasse qui ne sont pas du tout anodines. Et est-ce qu'il va dans le mouvement, ce qui a été ouvert aussi par un certain Avishai Cohen, que si on connaît bien, à Jazz au fil de l'Oise. Omer Avital, c'est 20 ans d'existence, hein. Oui. Donc il n'est pas dans la suite. Hein. Non. Et voilà, c'est un contrebassiste très talentueux. Également, au même titre bien évidemment qu'Avishai Cohen. Mais bon, lui c'est un musicien, comme je te disais, multiculturel, hein, qui a de multiples influences et qui est un véritable pilier, lui par contre, de la scène new-yorkaise actuellement. Hein. Musique d'aujourd'hui, une musique en perpétuel mouvement aussi. J'ai lu dans la presse spécialisée jazz, il conçoit sa musique comme un véritable hymne à la joie. Oui, absolument, c'est jubilatoire. Le mieux, c'est de venir l'écouter plutôt que de lire tout ça. Je vous rappelle que pour ce week-end jazz à l'apostrophe, théâtre des Louvrets, et tout cela en lien avec le festival de jazz au fil de l'Oise, cette première journée, c'est Francesco Berzati et Omer Avital. C'est pour le vendredi 11 novembre à partir de 20h. Soyez bien à l'heure. Et ce qui dit week-end jazz, eh bien ça se poursuit, Isabelle Méchali, avec Lars, un pilier du jazz européen depuis plusieurs décennies, sans chercher à le vieillir, mais il reste effectivement la grande référence du jazz européen, c'est Yann Garbarek qui se produira avec son groupe. Oui, Yann Garbarek, effectivement, c'est un concert qu'il faudrait voir durant cette édition, c'est bien celui-ci, Yann Garbarek et son quartet. Alors, Yann Garbarek, bien sûr, c'est un son absolument fascinant, qui est immédiatement reconnaissable. C'est quelqu'un qui a contribué à l'histoire du jazz, qui restera très certainement dans l'histoire du jazz. Il est bien sûr d'origine européenne et un des piliers du magnifique label ECM. Donc, c'est un musicien qui privilégie tout ce que j'aime, la mélodie, la sensibilité, un son, je le répète, particulièrement reconnaissable, qui se détache tout à fait du jazz américain traditionnel. Hein. On est plus dans le langage du jazz européen. Alors lui, c'est pareil, bien sûr. Hein. Tu parlais de son âge, je parlerai de son parcours. Il a travaillé avec de très nombreux musiciens d'horizons très différents, hein. Notamment Trilok Gurtu, qui sera bien sûr, qui fait partie de son quartet. Grand percussionniste indien. Magnifique percussionniste, qui est en plus une très belle personne humainement. Il a travaillé avec Anwar Brahem, Donc, je le répète, c'est une des figures du jazz européen qu'il faut absolument venir voir. Et c'est une grande chance que Jean-Joël l'ait accepté dans sa programmation jazz, parce que ce n'est pas si facile de pouvoir jongler avec les agendas de tous ces gens et leurs exigences. Donc, ce qui a été déterminant, bien sûr, c'est sa rencontre avec Keith Jarrett hein, dans les années... 74, je crois. C'est ça, 70, j'allais dire, ouais, mais voilà, on y 74, est. 74, voilà, mm-hmm. Donc c'est quelque chose de décisif pour lui. Mais bien sûr, il a travaillé aussi avec d'autres très grands musiciens, par exemple Charlie Haden ou Kenny Wheeler, le magnifique trompettiste, que peut-être qu'on connaît un peu moins. Et ensuite, ce qui est très curieux aussi, c'est qu'il a travaillé avec Manu Katché, dans un trio là, que certainement beaucoup connaissent, et un violoniste indien. Mmh. Voilà, donc je recommande particulièrement cette journée. C'est pas une journée d'ailleurs, c'est une soirée. C'est une soirée. C'est une soirée le samedi 12 novembre ouais. à 20h30. Ouais. Là encore, dans à l'apostrophe. Une politique tarifaire absolument exemplaire, hein, je dois dire. Hein. Franchement, pour ce genre d'artiste, c'est vraiment. Une chance. Là encore, au Théâtre des Louvrais à Pontoise, notez bien, c'est le samedi 12 novembre à 20h30. Et effectivement, il y aurait tant à dire sur ce musicien. Il vaut mieux l'écouter. Il faut le découvrir sur scène. Et c'est vrai que c'est au travers de sa musique, eh bien, on voyage parce qu'il nous fait partager ses voyages aux quatre coins du monde. Ça se vérifie effectivement dans son inspiration musicale. On a dit de lui aussi que c'était un grand styliste de la musique, au-delà même du jazz. Oui, c'est possible, oui, hein? Pourquoi pas. Mais il est venu déjà en 2005 à l'apostrophe. Jean-Joël Le Chapelain. 2006, oui. 2005, 2006. Oui. En c'était tout cas, il est déjà venu. Sous chapiteau, oui. Oui. Jean-Joël Le Chapelain, là, un week-end jazz à l'apostrophe, c'est une excellente nouvelle, avec des musiciens de ce niveau et de cette renommée internationale. Là encore, c'est aussi le rôle d'un théâtre public. Bah oui, puis ça s'inscrit dans le cadre d'un partenariat d'excellence. Je renvoie le compliment à Isabelle, parce qu'on peut faire de l'excellence tout seul, mais c'est assez rare, donc on ne peut le faire en général qu'avec avec la contribution des autres. Et donc le partenariat, en effet, avec Jazz au Fil de l'Oise, sur le long terme, produit les effets qu'on attend, c'est-à-dire que le public est de plus en plus nombreux et présent au rendez-vous, jusque quelquefois à ne pas pouvoir entrer dans la salle, mais en même temps ça témoigne de l'intérêt de cette musique pour beaucoup de spectateurs, dont on dit souvent que c'est une musique qui est morte, au sens où elle ne défraie pas la chronique autant que les musiques boum boum qu'on peut entendre sur pas mal de chaînes, sans mépris pour les musiciens qui la pratiquent, mais c'est autre chose. Cette musique a un passé, a une histoire, et elle a une correspondance avec les racines, qui sont toutes les racines d'ailleurs, qui sont tout à fait passionnantes. Et c'est vrai, quand on voit une personnalité du type de Yann Garbarek, dont c'est l'un des représentants nordiques de cette musique. Norvégien d'origine. Oui, on ne peut pas le voir sans une référence à cette partie du monde. Mmh. Et en plus, moi, j'ai gravé dans la mémoire, sous chapiteau, ce concert qu'il nous avait donné. Il a fallu aussi qu'ils acceptent, les artistes, à ce moment-là, de jouer dans des conditions qui n'étaient pas tout à fait optimales, mais qui ont été très importantes pour la vie de notre institution, d'être accompagné dans ces moments difficiles qui étaient ceux des années 2005 à 2007, et donc en raison de l'incendie du théâtre à l'époque. Et donc on a là, il suffit de se souvenir de ce moment et de la musique qui est la sienne pour se dire que c'était un autre grand moment en perspective qui s'annonce. Et on est en effet très fiers de pouvoir porter des projets comme ça, puisque la particularité d'un théâtre public, c'est, comme je le disais, il ne peut pas tout inventer tout seul, mais il va chercher aussi dans ses partenariats les compétences des autres, et c'est le fruit de ses rencontres qui est peut-être, si je puis dire, tout bénéfice pour la vie artistique locale et pour le public pour lequel nous travaillons. On ne pense d'ailleurs qu'à ça, et à celle des artistes, bien sûr. Enfin, moi, je voudrais dire une chose très simplement, c'est que ce genre de concert, la venue de ces artistes, n'est pas possible sans le partenariat de la scène nationale. Le festival ne pourrait pas engager ces artistes, voilà. Et puis, ce que je voulais souligner également, et ce que je pense très sincèrement, c'est qu'il n'y a quand même pas tant que ça de scène nationale qui programme autant de concerts de jazz. Hein. C'est quand même pas très très courant hein, dans les scènes nationales. Bon, il y a les Gémeaux, etc. Mais on fait partie, la scène nationale de Sergi Pontoise fait partie quand même des exceptions. Et on aimerait bien qu'il y ait que ça donne l'envie à d'autres scènes nationales de... Ce qui est dit, Isabelle oui, Méchalis. Donc ce week-end de jazz pour les 11 et 12 novembre prochains, c'est à la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, à l'apostrophe, et plus précisément au Théâtre des Louvrets, pour ces deux journées, pour ce week-end jazz, qui s'inscrit dans le cadre plus largement de la 21e édition du Festival Jazz au Fil de l'Oise, qui se déroulera cette année du 19 octobre au 11 décembre 2016. Voilà qui est dit, non sans préciser à nos auditeurs pour avoir en détail la programmation complète de ce festival, je les renvoie sur le site internet bien vivant du Festival de Jazz au Fil de l'Oise, à la bonne adresse, le www.jazzaufildeloise, tout attaché en un seul mot, jazzaufildeloise.fr. Petite précision pour ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient assister à ce week-end jazz des 11 et 12 novembre prochains. Tarif privilégié pour les spectateurs qui assisteront aux deux soirées. C'est utile, c'est important et c'est incitatif.